Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Discothèque Classique. Discothèque Classique, c'est votre rendez-vous avec la musique classique tous les dimanches, tous les samedis et dimanches, de 11h à midi sur Radio Fadjet. Eh bien, j'espère que vous allez bien. Bah oui, parce que c'est vrai que pendant longtemps, cette émission n'était diffusée que le dimanche. Et aujourd'hui, eh bien maintenant, c'est le samedi et le dimanche. Alors, on va ouvrir l'émission avec un peu de la musique de Schumann, Robert Schumann, 1810-1856, et son unique concerto pour piano, qui à la base était une fantaisie pour piano et orchestre. Et puis, l'éditeur de Schumann, l'éditeur de partitions, a trouvé que bah, finalement les concertos se vendaient quand même mieux que les fantaisies, donc il a demandé à Schumann d'écrire deux mouvements supplémentaires. Il faut dire que la fantaisie originale n'est pas très différente du premier mouvement du concerto au final. Elle a d'ailleurs souvent été enregistrée, on peut comparer. Et bon, ce concerto date de 1845, c'est un concerto qui aura énormément d'importance pour la musique par la suite, parce que beaucoup de compositeurs, notamment Grieg, vont s'en inspirer. Voici le début de ce concerto pour piano de Robert Schumann, avec en soliste Yevgeny Kissin, l'Orchestre Philharmonique de Berlin, l'Orchestre Philharmonique de Vienne est dirigé par Carlo Maria Giulini. Thank you. un extrait, le tout début du premier, du concerto pour piano, il n'en a écrit qu'un seul, du concerto pour piano de Robert Schumann avec Evgeny Kissin en soliste et l'orchestre philharmonique de Vienne, direction Carlo Maria Giulini. Alors si je vous parle de la Finta Giardiniera, vous allez me dire, il va nous passer du Mozart, un opéra de Mozart. Eh ben non, je vais vous passer un opéra de Pasquale Amfossi, 1727-1797, qui a écrit un opéra sur le même thème que celui de Mozart. D'ailleurs, l'opéra d'Amfossi fut créé un an avant celui de Mozart. Dans les deux cas, le librettiste est inconnu. Alors, c'est un marivaudage, évidemment, comme on les aimait à l'époque. Truc aime machin, machin aime truc, enfin voilà quoi. C'est un peu le sens de cet opéra, qui n'est pas parmi les mieux conçus du point de vue du livret. Et Pasquale Amfossi, bah, il n'est pas très connu, il faut quand même dire ce qu'il est. Même si en son temps, il avait une certaine notoriété. Il était né à Taggia, sur la Riviera, en Italie du Nord. Et il a peut-être appris le violon avec son père, on n'est pas sûr, parce qu'on n'a pas beaucoup de documents sur lui, sur sa jeunesse. Et bon, il est là, il a étudié au conservatoire de Naples à partir de 1744. Et il a commencé à gagner sa vie en jouant dans divers théâtres napolitains. Et finalement, bah, c'est pas vraiment un compositeur précoce, hein, parce que son premier opéra, il l'a seulement composé alors qu'il avait 32 ans, 36 ans. Bon, voilà, mais en tout cas, cette Finta Giardiniera est une œuvre à découvrir. Je vous en propose un extrait avec la belle voix de la chanteuse Nuria Rial, et puis l'ensemble L'Arte del Mondo est dirigé par Werner Erhardt. Thank you. ainsi de suite. Je ne sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve que c'est vraiment intéressant. Hein. Très belle musique, et puis la voix magnifique de Nouria Rial dans cet air tiré du premier acte de la Finta Giardiniera de Pasquale Amfossi avec l'ensemble Arte del Mondo. Bah, ça c'est quand même un avantage de notre époque, hein. C'est que les interprètes ont une curiosité insatiable, le public aime sortir des sentiers battus, et pour peu que ce genre de projet discographique soit soutenu par les maisons de disques, eh bien, on a la chance de pouvoir découvrir, redécouvrir des choses, des œuvres complètement oubliées, mais qui sont quand même d'un grand intérêt. Allez, on continue avec quelque chose de bien connu, évidemment, c'est Beethoven et son rondo, La colère pour un sou perdu. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Eh bien, c'est une pièce, déjà, qui n'est pas une œuvre tardive, comme on l'a cru longtemps, parce qu'elle porte le numéro opus 129, ce qui tendrait à penser que c'est une œuvre assez tardive dans le corpus beethovenien. Mais en fait, c'est une partition de jeunesse. On a d'ailleurs retrouvé le manuscrit original qui date des années 1790, quand Beethoven a à peine 20 ans, une vingtaine d'années. Et bah, en fait, c'est censé décrire le musicien qui a des poches trouées, qui a perdu une pièce d'or ou une pièce d'argent, on ne sait pas, enfin en tout cas de l'argent, et qui se retourne sur lui-même et la cherche partout avec une certaine colère. Voilà ce que c'est que cette histoire de la colère pour un sou perdu. Allez, on va écouter ce rondo et capriccio joué au piano par Geno Jando. Thank you. Alors, cette pièce, ça pourrait s'intituler une plaisanterie musicale, hein, parce qu'il y a un peu de facétie dedans, quand même, un peu de fantaisie. Et c'était donc Rondo et Capriccio, La colère pour un sou perdu de Beethoven, opus 129, joué par Geno Jando. Et je vous rappelle que vous écoutez Radio Fadjet, c'est votre magazine classique, discothèque classique, le samedi et le dimanche, de 11h à midi. Et on va continuer avec un compositeur qui n'est pas très éloigné de nous, c'est Alfred Schnittke. Il est mort en 1998. Bon, ne partez pas, hein, parce que je ne vais pas passer des choses inaudibles, la musique expérimentale et tout ça, non, non. Ce qu'on va écouter est tout à fait audible, c'est même un pastiche de la musique baroque réalisée pour s'amuser par Alfred Schnittke, qui était un compositeur russe, comme son nom ne l'indique peut-être pas, enfin d'origine allemande, et ça s'appelle « Suite dans un style ancien ». Voici la fugue avec les virtuoses de Moscou que dirige Vladimir Spivakov. Moi, je trouve ça très bien fait, et puis charmant en plus. Hein. C'était la fugue, extrait de la suite dans un style ancien d'Alfred Schnittke avec les virtuoses de Moscou. Et un contemporain de Mozart maintenant, Johann Baptiste von Hall, 1739-1813. D'ailleurs, il fut assez lié à Mozart, hein, parce qu'il faisait de la musique de chambre ensemble avec quelques autres, notamment Dietersdorf et Haydn. Ils faisaient du quatuor à cordes, par exemple. Et ce von Hall a laissé beaucoup de symphonies, des œuvres diverses, des musiques sacrées. C'est quelqu'un qui passait pour être un peu un original. Il a vécu très longtemps à Vienne et on disait qu'il était un peu fou, certainement en proie à la dépression, ce qui explique qu'il était jugé de cette façon à cette époque-là. Voici un extrait d'une messe de von Hall, la messe pastoralis donc de ce compositeur en sol majeur, interprétée par l'ensemble Aradia et le chœur des voix de Tower de Nouvelle-Zélande, dirigé par Uwe Grod. On écoute le Kyrie. Thank you. Le Kyrie de la Missa Pastoralis en sol majeur de Johann Baptiste van Hall, interprété par le Tower Voice New Zealand, la Radia Ensemble, tous dirigés par Uwe Grodd. Je n'ai pas un accent anglophone terrible, hein, je reconnais. Hein. Voilà, bon, on a eu de la musique symphonique, de l'opéra, de la musique pour piano, et puis donc de la musique sacrée. Qu'est-ce qui manque ? De la musique de chambre. Eh bien, voici de la musique de chambre avec Mendelssohn et l'une de ses romances pour piano, mais dans un arrangement violon-piano réalisé par David Walter. Alors, les romances sans paroles, ce sont des pièces très lyriques, avec des thèmes chantants, ce qui explique leur titre « Romance sans paroles », qui est un peu impropre, hein, parce que « romance », ça fait un peu mièvre, mais évidemment, ce sont des pièces de piano très intéressantes, très élaborées, et « romance », parce que évidemment, c'est très chantant, ça évoque le lead. Donc, l'une de ces romances sans paroles, on va quand même utiliser ce mot qui est sous le nom en français dont on parle de ce recueil, avec lequel on parle de ce recueil, et on va écouter donc l'une de ces romances de Mendelssohn dans un arrangement violon-piano avec au violon Augustin Dumay, au piano Jonathan Fourtel, l'opus 19, numéro 5. Discothèque classique, votre rendez-vous classique du week-end sur Fadjet, les samedis et dimanches, de 11h à midi. C'était l'une des romances sans parole de Mendelssohn, dans un arrangement violon-piano de David Walter, avec au violon Augustin Dumay et au piano Jonathan Fournel. Ravel et son concerto en sol. Alors, les deux concertos pour piano de Ravel ont été composés simultanément. Alors, ce concerto en sol était dédié à Marguerite Long, qui a créé l'œuvre en 1932, la grande Marguerite Long, qui avait été très liée à Gabriel Fauré. Le concerto pour la main gauche, lui, a été destiné à un pianiste autrichien, Paul Wittgenstein, qui avait perdu un bras lors de la Première Guerre mondiale. Et donc, très gentiment, Ravel lui a composé un concerto pour le seul bras qui lui restait. Il n'est pas le seul compositeur, d'ailleurs, à avoir composé des concertos pour la main gauche. Il y a aussi, par exemple, Prokofiev. Donc, ce concerto de Ravel, concerto en sol, on dit qu'il a été inspiré par Saint-Saëns, les cinq concertos laissés par Saint-Saëns. Ça paraît un peu bizarre parce que finalement, ce concerto en sol est très, très éloigné hein, du style de Saint-Saëns. On sait que Ravel avait fait un voyage aux États-Unis quelques années avant la composition du concerto. Il avait rencontré George Gershwin, il avait été fortement influencé par la musique de jazz, et cette musique de jazz, on la retrouve par-ci, par-là dans le concerto, particulièrement dans le final. Je vous propose d'écouter le premier mouvement, une version que j'aime bien, celle d'Alexis Weissenberg, avec l'orchestre de Paris que dirige Seiji Ozawa. le début du concerto en sol de Maurice Ravel avec en soliste Alexis Weissenberg. L'orchestre de Paris était dirigé par Seiji Ozawa. Un peu de Berlioz maintenant, enfin pas tout à fait du Berlioz en fait. Hein. C'est la passion qu'avait Berlioz pour Gluck qui a fait qu'il a arrangé son opéra, l'opéra de Gluck, Orphée et Eurydice. Gluck, ça a vraiment été le premier coup de cœur musical de Berlioz. Il l'a découvert alors qu'il était encore un jeune homme à la Côte-Saint-André, sa ville natale dans l'Isère, avant qu'il ne monte à Paris pour faire des études de médecine qu'il va abandonner très très vite d'ailleurs. Et avant aussi le coup de foudre qu'il a eu lorsqu'il a entendu les symphonies de Beethoven dirigées par François Habeneck au Conservatoire de Paris. Donc il a arrangé Gluck certains opéras, notamment Orphée et Eurydice. Et on va écouter un air tiré de cet arrangement réalisé par Berlioz. « Amour, viens rendre à mon âme » que chante Orphée. C'est l'interprétation de Marianne Crebassa, mezzo-soprano. L'orchestre du Mozarteum de Salzbourg est dirigé par Marc Minkowski. Amour, viens rendre à mon âme. Marianne Crébassa, mezzo-soprano, qui chantait le rôle d'Orphée. Bah oui, ce sont des rôles androgynes, en quelque sorte. Extrait de l'Orphée Eurydice de Gluck, revu par Berlioz. L'orchestre du Mozarteum de Salzbourg était dirigé par Marc Minkowski. Très bel enregistrement. Extrait d'un disque Oboy, paru il y a une dizaine d'années chez Erato, qui rassemblait des rôles comme ça, androgynes, chantés par des femmes, mais des rôles d'hommes. Magnifique. Allez, on continue notre émission discothèque classique sur Radio Fadjet de 11h à midi, samedi dimanche, avec un peu de Vivaldi, concerto pour quatre violons, Rium 580 tiré de l'Estro Armonico, l'un des principaux recueils du concerto pour violon de Vivaldi, mais il faut le dire, c'est le seul concerto pour quatre violons qu'a laissé Vivaldi, et c'est bien dommage, hein, parce que ce concerto est parmi les plus réussis, les plus vraiment les plus intéressants, une musique magnifique que Bach a connue, puisque Bach l'a arrangé en concerto pour quatre clavecins. Et d'ailleurs, si vous écoutez l'émission de demain, bah, je passerai la version Bach pour quatre clavecins de ce concerto originellement de Vivaldi. Voici ce concerto joué par des membres de l'Academy of Ancient Music, dirigé du clavecin par Christopher Hogwood. Thank you. premier mouvement du concerto pour quatre violons Riem 580 de Vivaldi, avec des membres de l'Academy of Ancient Music dirigé par Christopher Hogood. Alors tout à l'heure, tout à fait en début d'émission, le premier titre que j'ai passé, c'était du Schumann, le concerto pour piano. Eh bien voici une autre œuvre de Schumann, beaucoup moins connue, l'un de ses leads tiré du recueil Myrthe, opus 25, Le Noyer. Bah, c'est pas le type qui a bu un peu trop d'eau, hein. Le Noyer, là c'est l'arbre. Un ver noyé est devant la maison, odorant, aéré, il étend ses branches feuillues, il porte une suave floraison, doux vent, venez câlin flotter tout autour. Eh ben, ça sent le printemps tout ça. Hein. Un extrait du recueil de Lieder Myrthe, opus 25 de Schumann, avec la voix de Kate Lindsay. Et puis au piano, c'était Éric Lesage. Et on termine l'émission avec un peu de Dvorak, le scherzo de sa sérénade pour cordes, opus 22. Thank you. Le scherzo de la sérénade pour cordes opus 22 de Dvorak avec les cordes du Royal Philharmonic Orchestra, direction Paavo Järvi. Oui, souvent on passe la valse hein, pour cette sérénade pour cordes, notamment une radio spécialisée dans la musique classique qui aime beaucoup passer cette valse. Ouais, moi j'ai eu envie de passer le scherzo qui est moins connu. Bon, en tout cas, voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Donc, eh bien, on se retrouve demain à partir de 11h pour une nouvelle émission de Discothèque Classique. Excellent samedi à toutes et à tous et à demain !